Dali Bandi, Mokumbo Tiki na République Démocratique du Congo, surtout na Kina, na Kinshasa. Osundoli ya kaka boya, mawa. Grand Scoop Press Express. Bien. Les des îles.